Vous m'avez lancé une invitation. J'ai une délégation ici nourrie de plusieurs entrepreneurs, investisseurs. Ils étaient ce matin aux côtés de notre ministre du Commerce extérieur pour visiter l'impressionnant projet de l'OJB qui met le Bénin sur la voie d'une économie de l'industrie et de la transformation. Vous pouvez donc compter sur nous pour investir, être à vos côtés et avancer sur ce sujet. C'est ce modèle économique, celui d'une valeur ajoutée produite en Afrique, profitant aux Africains, permettant aussi de sortir une partie de l'économie de l'informel pour aller vers le formel, que nous soutenons très fortement. Et donc nous sommes prêts à aller de l'avant. Nous avons déjà travaillé ensemble il y a un peu plus d'un an à Paris quand il s'agit du financement des économies africaines et de ce que nous avons porté justement avec beaucoup d'ambition. Nous serons là aussi pour les projets concrets et permettre de développer ici ces nouvelles initiatives. Afrique Média, le monde, c'est nous.